Bonjour mes frères et sœurs de Val d'Or. À chaque fois que je m'assieds pour préparer une vidéo, mais je prends un temps avec vous et pour vous dans la prière, afin que Dieu nous donne de la persévérance jusqu'à la fin. Que Dieu nous donne de saisir la grande vérité que le but unique de l'Évangile, c'est de produire des adorateurs pour Dieu, pour Jésus. Dernièrement, j'ai parlé avec un frère qui et a commencé à écouter l'Apocalypse, les vidéos que je faisais de chaque jour. Et dit, je remercie Seigneur, François, que tu nous as rappelé par les études que tu fais, que le but de la vie chrétienne, ce n'est pas l'activisme, mais bien l'adoration. L'adoration. Si l'activité est produite par l'adoration, c'est correct. Mais l'activisme n'est pas de l'adoration. Ça peut être le résultat de l'adoration. Mais il faut vraiment être sûr que le but de ma vie, le but de chaque jour, le but de chaque réunion le dimanche, c'est l'adoration de Dieu. Notre Père du ciel, tu nous as sauvés afin d'être des adorateurs en esprit et en vérité, comme tu le dis à la Samaritaine. Tout ce que les églises font dans le monde qui ne produit pas l'adoration de Dieu est vain, totalement vain. Aide-nous, Seigneur. À chaque fois qu'on entreprend quelque chose pour toi, que ce soit toujours avec le but que tu sois adoré par nous, en nous et par ceux à qui on parle. Et ce matin, Seigneur, nous voulons encore une fois regarder à ce livre de l'Apocalypse. Instruis-nous, conduis-nous et qu'à la fin, nous puissions librement tomber sur notre face et t'adorer et adorer l'agneau de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Nous avons vu les dernières fois que dans l'Apocalypse, il y a deux groupes de personnes identifiées sur différentes façons. À plusieurs reprises et de différentes manières, on a regrouper le monde entier en deux gangs. Ceux qui adorent Dieu, ceux qui aiment Jésus, ceux qui sont marqués de Dieu, ceux qui ont la marque de Dieu sur le front, ceux qui ont la marque de Jésus sur le front ou le nom de Dieu sur le front, ceux qui gardent les commandements de Dieu, ceux qui gardent la foi en Jésus-Christ, les serviteurs, les prophètes, les saints, est un autre gang. Qu'eux autres sont des non-repentants, des incrédules, des menteurs, des débauchés, des idolâtres, des nicolaïtes, des jézabels, des prostituées de la grande Babylone. Ils sont des serviteurs de Satan, des serviteurs, ils ont pour part le diable. Tout ça, c'est toujours les deux groupes dans toute l'Apocalypse. Un groupe adore Dieu et Jésus-Christ. L'autre groupe adore Satan, adore le dragon, adore la bête. Donc, c'est toujours là. Dieu veut produire la repentance et la persévérance et l'adoration de lui. La dernière fois, on a vu les deux sceaux et les deux destinées. Et on a terminé au chapitre 14, verset 12. Et ce matin, nous allons continuer là et voir l'entrée en place des fléaux ou des sept dernières coupes de la colère de Dieu. Lisons chapitre 14, verset 13. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Je regardai, et voici, il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or, et dans sa main une faucille tranchante. Un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée. Lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, la moisson de la terre est mûre. Celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre fut moissonnée. Un autre ange sortit du temple, qui est dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel, s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre, car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre et vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. La cuve fut foulée hors de la ville, et du sang sortit de la cuve jusqu'aux morts des chevaux, sur une étendue de 1600 stade. Jean entend encore une voix. Il en avait entendu la dernière fois, dans le début du chapitre 14. Il avait entendu trois anges au moins lui parler. Ici, l'ange qui est là va appeler deux anges à faire la moisson ou la vendange. Ici, les gens, certains pensent que c'est deux groupes différents. Le premier ange fait la moisson des enfants de Dieu et l'autre ange fait la moisson des enfants du diable. Je ne crois pas. Je ne crois pas. Je pense plutôt que c'est une répétition. C'est deux fois dit la même chose. Et dans la Bible, c'est pas nouveau cela. Quand on répète deux fois ou trois fois ou plus, c'est pour amplifier. Comme il est dit dans, mettons, pour Dieu, saint, saint, saint. Donc, on amplifie ce qu'on est en train de dire. Comme on est dit dans l'Apocalypse, malheur, malheur, malheur. On amplifie, on met de la pesanteur à ce qu'on est en train de dire, que ce soit positif ou négatif, que ce soit vrai ou faux. C'est on amplifie. Et si vous voulez, vous pouvez aller lire dans Joël. Joël fait la même enseignement. Lui-ci va parler de la fin des temps. Il va parler de la fin des temps comme étant deux fois la moisson. Lui-ci va appeler la moisson et la vendange. Donc, ici, c'est la même vérité qui est transmise deux fois. Donc, remarquez bien, comme dans Matthieu chapitre 13, ce n'est pas les hommes qui font la fin du monde, la vendange va se faire par les anges. Envoie ta faucille. L'ange dit, moissonne, car l'heure de la moisson est arrivée, est venue. La terre est mûre. Quand la moisson est mûre, c'est le temps de faire la moisson. J'ai été pendant quelques années cultivateur. Et de faire la moisson, pour moi, il était toujours un petit peu fatigant, stressant. Faut pas la faire trop vite, parce que les grains sont pas assez mûrs. Et là, ça va faire des problèmes dans ta moisson, dans ce que tu vas ramasser comme moisson. Si tu la fais trop tard, tu risques de la perdre. Donc, faut choisir le bon moment. Quand la moisson est mûre, c'est là qu'on moissonne. C'est là qu'on passe la faucille. Et la vendange, c'est pareil. Quand est-ce qu'on fait la vendange? Quand les raisins sont mûrs, à la fin du verset 18. Les raisins de la terre sont mûrs. Donc, le moment, tout ce qu'il est en train de dire ici, le moment est arrivé. La terre est prête à être vendangée ou à être moissonnée. La fin, c'est prêt. Nous allons moissonner. Nous allons ramasser les moissons. Nous allons mettre une fin. Parce que, écoute, la moisson est faite, c'est terminé. Et qu'est-ce qu'il dit? Ils vont prendre la moisson, ici, là, ou la vendange. On va la mettre dans la cuve, ou est-ce qu'on, dans le pressoir, ou est-ce qu'on va aller embarquer dedans, puis on va fouler avec nos pieds, comme on emmenait le blé sur un air, ou est-ce qu'on le battait, et qu'on lançait dans les airs, afin que d'enlever les poussières et les petits bouts de paille, et on gardait seulement que le grain. La vendange, on la met dans le pressoir, et on la presse, et là, il donne l'exemple ici. On va la mettre dans la cuve de la colère de Dieu. Dieu va presser. Dieu va écraser le monde. Et puis au lieu que ce soit du jus de raisin qui sorte de la cuve ou du pressoir, c'est du sang. Et le sang va se répandre comme il s'est jamais répandu. Jusqu'au mort des chevaux. Un mort de chevaux, ça se trouve être la bouche. La bouche se trouve au moins entre, dépendamment de la grosseur du cheval, mais un cheval normal, on peut mettre facilement 3 pieds. 3 pieds épais de sang sur 1600 stades. J'avais déjà lu quelqu'un qui disait que ça avait été la moitié de la grandeur du Canada. Un méchant lac de sang. Faut pas prendre ça littéralement, je crois personnellement. Il faut le prendre comme étant une image, comme il le restait. L'image de la colère de Dieu va être grande. Elle va être féroce. Elle va être dévastatrice. Elle va être complète, totale. C'est l'heure de la colère de Dieu. L'heure est arrivée pour que Dieu montre au monde que c'est lui qui est le seul vrai Dieu qui méritait d'adorer. Vous vous souvenez, on avait vu au chapitre 14, au début, un ange qui criait un évangile éternel. L'évangile, on avait vu que c'était le jugement de Dieu. Et ici, c'est on va passer à l'action. Et c'est là que nous allons prendre le temps, si vous voulez bien, de lire chapitre 15 au complet. Il n'y a seulement que 8 versets. Et nous allons voir cette colère de Dieu qui va se déverser sur le monde. Puis je vis dans le ciel un autre signe, grand et admirable, 7 anges qui tenaient 7 fléaux, les derniers. Car par eux s'accomplit la colère de Dieu. Et je vis comme une mer de verre, merlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, son image et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, le cantique de l'agneau, en disant, « Tes œuvres sont grandes et admirables, Seigneur du Tout-Puissant. Tes voix sont justes et véritables, Roi des nations. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront parce que tes jugements ont été manifestés. » Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le ciel. Les sept anges qui tenaient les sept fléaux sortirent du temple, revêtus d'un lin pur, éclatant, ayant des ceintures d'or autour de la poitrine. L'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or, pleines de la colère de Dieu qui vit au siècle des siècles. Le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance. Personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges soient accomplis. Donc, Jean voit la mise en place ou comment le décor qui se prépare pour que la colère de Dieu se manifeste. J'aimerais qu'on remarque bien ce qui se passe dans le ciel pendant les préparations pour que la colère de Dieu se répande sur la terre. Il dit au verset 1, « Je vis un signe grand et admirable. » Admirable, qui pousse à l'admiration, à l'étonnement, à l'émerveillement. Qu'est-ce qu'il voit? Sept anges qui tiennent sept fléaux, les sept fléaux de la colère de Dieu dans leurs mains. Tu ben, qu'est-ce qu'il y a d'admirable là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a de formidable? C'est la souffrance pour la terre. Ça, c'est de penser comme des humains, non régénérés totalement, qui sont pas dans le ciel, qui pensent aux hommes au lieu de penser à Dieu. Et c'est Jean, ce qu'il voit, le pousse à l'adoration. Il voit une manifestation de la colère de Dieu. Et qu'est-ce qu'il voit au verset 2? Il voit l'assemblée des croyants. Et l'assemblée des croyants qui est dans le ciel, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a des harpes dans sa main. Et une harpe, c'est fait pour jouer de la musique et pour chanter. Pendant que Dieu va déverser sa colère sur la terre, le ciel va chanter les louanges de Dieu. Le ciel va chanter son adoration envers Dieu. Au verset 3, il chante le cantique de Moïse. Et je crois que ça fait référence au cantique de gloire quand le peuple de Dieu était sur le bord de la mer Rouge et qui ont vu la destruction que Dieu a emmenée sur le peuple d'Égypte et qui les a noyés dans la mer Rouge. Quand le peuple a vu ça, ils ont sorti leurs instruments et ils ont chanté à la gloire de Dieu. C'est la même vérité ici. Le ciel chante. Le cantique de Moïse, le serviteur, et le cantique de l'agneau. Il chante. Tes œuvres sont grandes et admirables. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tes voies sont justes et véritables, roi des nations. Ta colère est basée sur la vérité, sur ta puissance. Et ce que tu vas faire sur le monde, c'est formidable, c'est grand, c'est admirable. La colère de Dieu, la colère de Dieu ou le livre de l'Apocalypse devrait pas effrayer l'Église, devrait amener l'Église à sortir ses instruments et à chanter la gloire de Dieu. Je l'ai dit à plusieurs reprises, hein, en s'en allant. Si vous regardez la terre, vous allez vous apitoyer sur vous-même et vous allez vous apitoyer sur la terre au lieu de chanter les louanges de Dieu. Pendant ce livre de l'Apocalypse, regardons le ciel. Et nous allons voir la manifestation des attributs de Dieu. Et nous allons nous joindre aux anges et à tous ceux qui sont dans le ciel. Et nous allons chanter les louanges de Dieu. Il dit au verset 4, « Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom ? Car seul tu es saint, et toutes les nations viendront et t'adoreront, parce que les jugements ont été manifestés. » Ici, je crois que, l'auteur pose la question, mais qui resterait insensible à la manifestation de ce que nous voyons, de ce que tu vas faire. Qui est assez épais, si vous me permettez l'expression, pour rester indifférent, pour ne pas adorer le Dieu qui va faire cela? Il dit, toutes les nations viendront, ils vont t'adorer, parce que les jugements ont été manifestés. Et je pense que par toutes les nations, ici, il parle de tous les chrétiens qui sont là, de toutes les nations. Un peu comme dans Apocalypse 7, des hommes et des femmes de toutes les nations, de toutes tribus, de toutes langues, vont adorer Dieu pour la manifestation de sa colère. Et là, Jean voit dans le temple du tabernacle, du témoignage, qui fut ouvert dans le ciel. Donc, c'est comme si on rouvre le temple, on rouvre la présence de Dieu. Et il voit sept anges qui ont des robes blanches, une de l'or sur leur poitrine. Pour moi, c'est des images, parce que les anges dans le ciel n'ont pas de robe, c'est des esprits. Mais c'est une façon de parler de la pureté de ce qu'il y a dans le temple, dans la présence de Dieu. Vous vous souvenez, dans l'Ancien Testament, le temple était une manifestation de la présence de Dieu, et rempli de fin lin et d'or. C'est la même vérité, je crois, ici. Au verset 7, l'un des quatre êtres vivants donna aux sept anges sept coupes d'or. Sept coupes d'or pleine de la colère de Dieu. Et le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu, de sa puissance. Et personne ne pouvait entrer dans le temple jusqu'à ce que les sept fléaux des sept anges soient accomplis. Donc, Dieu va manifester sa colère. Et pendant qu'il va manifester ses attributs, parce que la fumée est là, verset 8, le temple fut rempli de fumée à cause de la gloire de Dieu. La colère de Dieu, c'est une manifestation de sa gloire, de ses attributs. Et personne ne peut rentrer dans le temple pendant le temps que Dieu va déverser sa colère sur la terre. Ça me fait penser un peu à Isaïe. Vous vous souvenez quand Isaïe a vu Dieu dans le temple, cette grande robe, cette fumée-là aussi. Lui aussi a tombé sur sa face puis a adoré Dieu. Donc, je crois que ici, ce qui est bon de retenir dans ce chapitre-là, pendant qu'on prépare le décor pour la manifestation de la colère de Dieu, le ciel, loin de s'apitoyer sur les pauvres êtres humains, non, le ciel se réjouit, se exalte, admire, adore, chante les louanges du grand Dieu vivant. L'Apocalypse devrait nous pousser, nous, aujourd'hui, à l'adoration, à la louange. On devrait, selon moi, chanter les vérités d'Apocalypse. Composer des chants pour ceux d'entre vous qui ont des dons, des talents musicaux. Composons et chantons des chants qui reflètent les vérités apocalyptiques. On a encore le temps et on va aller lire les sept fléaux. On ne va pas amener beaucoup d'interprétations. Vous allez voir que ça se décrit tout seul. C'est la colère de Dieu qui s'abat sur le monde. Chapitre 16. J'ai entendu une voix forte qui venait du temple qui disait aux sept anges, « Allez, versez sur la terre les sept coupes de la colère de Dieu. » Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adorait son image. Le second versa sa coupe sur la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort, et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa coupe dans les fleuves et dans les sources d'eau, et ils devinrent du sang. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, « Tu es juste, toi qui es, qui étais, tu es saint, parce que tu as exercé ce jugement. » Car ils ont versé le sang des saints et des prophètes, et tu leur as donné du sang à boire, et ils le méritent. Et j'entendis un autre ange qui, de l'autel, disait, Oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, tes jugements sont véritables et justes. Le quatrième versa sa coupe sur le soleil, il lui fut donné de brûler les hommes par le feu. Les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a autorité sur ces fléaux, et ne se repentirent pas pour lui donner gloire. Le cinquième versa sa coupe sur le trône de la bête, et son royaume fut couvert de ténèbres. Les hommes se mordirent la langue de douleur. Ils blasphémèrent le Dieu du ciel à cause des douleurs et de leurs ulcères, et ils ne se repentirent pas de leurs œuvres. Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve de l'Euphrate, et son eau tarit, pour préparer la voie aux rois qui viennent de l'Orient. Et je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, de la bouche du faux prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges, qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le grand combat du jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Et les rassemblèrent dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Le septième versa sa coupe dans l'air, et sortit du temple, du trône, une voix forte qui disait « C'en est fait !» Il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis l'homme est sur la terre, un aussi grand tremblement. Et la grande ville fut divisée en trois parties, les villes des nations tombèrent, et Dieu se souvint de Babylone la grande pour lui donner la coupe du vin de son ardente colère. Et toutes les villes s'enfuirent, et les montagnes ne furent pas troublées. Une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était grand. C'est intentionnel que je ne veux pas passer beaucoup de temps. Non pas parce que c'est pas important, mais si on s'y arrête et qu'on veut tout interpréter, chaque petit détail de cela, on manque le bateau. Ce qu'on peut retirer, c'est Dieu manifeste sa colère et tout cela, je crois, parce que chaque fléau pourrait mettre fin à la planète. Mais ça s'amplifie. Combien de temps ça va prendre pour te déverser sur la terre ces sept coupes? Je ne sais pas. Quelques heures ou quelques jours ou quelques semaines, je ne sais pas. Un temps? Deux temps? Trois temps et un demi-temps, comme dit des fois l'Apocalypse? Je ne sais pas comment ça va prendre de temps. Mais tout ce qu'on voit dans ces sept fléaux amène la destruction du monde par toutes sortes de fléaux. Tout à l'heure, au chapitre 15, nous avons vu la réaction du ciel. Et le ciel se réjouit pendant ce temps-là. Le ciel chante le cantique de Moïse, le cantique de l'agneau, pendant que la colère de Dieu se manifeste. Mais, on voit la réaction des hommes sur la terre. Et les anges, à quelques reprises dans le chapitre 16, disent « Ils le méritent! Ils méritent cette colère de Dieu! » Dieu devait le faire! Dieu devait déverser sa colère sur ces hommes impies, sur ces femmes impies, abominables, sur ces idolâtres, sur ces gens qui ont préféré le dragon à Dieu, qui ont préféré immoler l'agneau de Dieu au lieu de adorer l'agneau de Dieu. Et la réaction de ces gens, c'est la colère. Ils blasphèment. Ils ne se repentent pas. À deux ou trois reprises, on a vu, ils ne se repentent pas devant la colère de Dieu. Ils ne s'arrêtent pas pour dire, wow, Non, c'est terminé, ce temps-là. Parce que, vous savez, la repentance ne vient pas du cœur humain, elle est donnée de Dieu. Comme la foi est un don de Dieu. La repentance est un don de Dieu. On se souvient dans Actes des Apôtres, chapitre 11. Dieu a donné la repentance même aux païens. C'est Dieu qui stimule la repentance dans le cœur des hommes et des femmes. Si Dieu déverse sa colère sur ces gens-là, il ne va pas leur donner la repentance en même temps. Mais en même temps, on regarde le côté humain. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils blasphèment. Ils blasphèment. Ils blasphèment Dieu. Ils ne se repentent pas. Ils ne se repentent pas. Et Dieu continue à déverser sa colère à sept reprises. Il va toucher tout le monde, terrestre, céleste. Il va toucher la mer, la terre. Et tout ce qu'il y a sur la terre va subir la colère de Dieu. Souvent, j'ai entendu les chrétiens dire, oh, moi, je veux pas être là. J'espère qu'on va être parti avant que ça arrive, ça. Si on est encore là, nous ne serons pas touchés par cette colère-là. Pas plus que Israël a été touché par la colère de Dieu contre l'Égypte. Dieu avait protégé son peuple. Si on n'est pas là puis qu'on est déjà au ciel, nous allons chanter les louanges de ce Dieu qui manifeste sa gloire, qui manifeste ses attributs par ces fléaux-là, par cette colère-là. Pour nous, bien souvent, les êtres humains, la colère, c'est très négatif. Puis on est tellement négatif qu'on essaie de nier la colère. On la cache, notre colère. On se renferme, puis on la cache parce que c'est tellement mal vu. Mets-toi pas en colère, là. Mets-toi pas en colère, là. Hein, c'est pas correct de se mettre en colère, là. Paul, il dit, ne vous couchez pas sur votre colère. Il dit pas de la nier. Ne vous couchez pas sur votre colère. La colère, c'est l'expression d'une personne qui a été offensée, qui a été blasphémée, qui a été dénigrée, qui a été rejetée. Le texte nous a dit que c'est la sainteté de Dieu, c'est la puissance de Dieu, c'est la vérité qui est en Dieu, ce qui pousse à exprimer sa colère. C'est dans l'évangile de Jean qui dit que la colère de Dieu demeure sur eux. Ça fait longtemps que Dieu est en colère. Dieu s'est pas mis en colère juste au dernier moment. Dieu est en colère depuis le péché de l'être humain. Il est en colère, mais il retient sa colère. Sa colère demeure, est au-dessus de la planète. Il retient sa colère pendant qu'il va chercher les élus. Pendant qu'il révèle sa bonté, sa miséricorde, sa compassion, son amour, son pardon. Il retient sa colère et il manifeste ses attributs. Puis à la fin, il laisse aller sa colère. Et c'est ce que nous venons de lire dans le chapitre 16. Frères et sœurs, ce qu'on vient de lire ici a le même but que tout le restant de l'Apocalypse. Pousser à la persévérance, l'Église. Persévère. Parce que si tu abandonnes, c'est ce que tu vas recevoir. Si tu renies mon nom pour sauver ta vie, pour éviter les persécutions, pour éviter la mort, tu vas recevoir la même chose que les autres, ceux qui ont été des débauchés, des adultères, des menteurs. Persévère. Un jour, Dieu va emmener sa colère sur le monde. Deux textes qui me viennent à l'esprit pendant que je vous parlais, c'est la parabole du juge unique, où ce que Jésus encourage les disciples à garder la foi jusqu'à temps qu'il va revenir. Il dit, gardez la foi, persévérez dans la prière jusqu'à temps que le Fils de l'homme revienne sur la terre. Qu'est-ce qu'il va faire quand il va revenir sur la terre? Il va vous faire justice. Et l'autre texte qui m'est venu à l'esprit, c'est dans Apocalypse chapitre 19 qu'on va voir un peu plus loin. Où est-ce que Dieu crie? Babylone, Babylone est tombée. La grande Babylone est tombée. Dieu vous a fait justice. Dieu vous a vengé de tout le mal qu'on vous a fait, de toute l'abomination qu'on lui a fait, tous les mensonges qu'on lui a lancés à la figure, toutes les blasphèmes qu'on lui a jetés à pleine face. Dieu se venge et venge son peuple. Dieu détruit tous ceux qui ont voulu détruire l'épouse de l'agneau. Donc, il dit, garde, persévère, la justice va venir. Dieu ne va pas laisser impuni ceux qui vous détruisent. Si tu lis ce chapitre-là et que tu n'es pas croyant, ou que tu t'es pas converti, tu t'es pas repenti, ça devrait te pousser la repentance avant que la colère s'abatte sur la terre. Il faut, un jour la colère de Dieu va s'abattre sur la terre. Un jour, ça n'irait pas rester sur la planète Mars parce que la planète Terre serait plus bonne. On va pas trouver un moyen d'aller vivre dans une autre galaxie, comme certains pensent. Repens-toi devant la juste colère de Dieu. Tourne-toi vers lui pour l'adorer et le servir. Il est encore temps. Pendant que sa colère demeure, repens-toi avant qu'elle s'abatte sur le monde. Notre Dieu a ainsi manifesté encore une fois plusieurs de ses attributs. Et ceci nous pousse à l'adoration du seul vrai Dieu, créateur du ciel et de la terre, seul vrai Dieu, sauveur du monde, seul vrai Dieu, juge de ce monde. Seigneur, nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons. Ô Seigneur, dans nos cœurs, nous avons nos harpes et nous chantons gloire à Dieu. Et nous te glorifions que tu es un Dieu de parole, un Dieu vrai, un Dieu juste. Tu l'avais dit dès le paradis, que ta colère s'abattrait sur les hommes et sur le Satan à cause du péché. Ô ta grâce, Seigneur, dans ta grâce, nous te supplions que tu nous donnes de se réjouir avec toi, de garder la foi en toi. Nous te supplions encore une fois de faire grâce à ceux qui ne sont pas sauvés. Que tu rouvres le cœur des hommes et des femmes que tu appelles à toi, afin qu'ils se convertissent à toi et qu'ils croient au Seigneur Jésus. En attendant, Seigneur, de ce grand jour de jugement, donne-nous de proclamer ta grâce. Au nom de Jésus.